Les pantoufles en forme d'animaux, elles trouvent ça trop rigolo. Bien sûr, pour la Saint-Valentin, ils pensent qu'il faut se payer le resto. L'appart est carrément nickel, personne n'y entre, pas même un moustique. Son mec, elle préfère pas le montrer, elle a bien trop peur qu'on lui pique. Toilette massivement vaporisée, senteur sauvage, senteur des îles. Chaque objet doit avoir sa place entre elle et lui. C'est comme un deal avant lui. Elle a eu plein d'amants, elle en parle presque tout le temps. Des galants, des hyper intelligents, des qui gagnaient tout plein d'argent. C'est un balèze limite obèse qui n'a pas fait de thèse, toujours à l'aise, tension à 16, con comme une chaise. Chaque dimanche c'est l'alternance, ses parents à elle ou bien à lui. Stupide d'aller au cinéma, ça passera sur la 3 gratuit. Le calendrier est ultra saturé, mariage et repas de famille. Impossible d'aller avec Camille à la grande fête de l'anguille. Heureusement avec son entreprise, ils ont des tas de prix réduits. Saint-Herpark c'est plutôt pas mal, mais moins bien que la thalassothérapie. Elle ne retrouve plus sa clé de voiture qu'elle a sûrement trop bien cachée. La voilà un petit peu occupée la semaine entière pour la retrouver. C'est une maniaco limite parano qu'a pas lu Antonin Artaud. Qui boit seulement du bonzo, hurle à la mort quand son Bruno tire pas la chasse d'eau. Pour rien au monde, elle aurait continué à se tuer, à faire les 3-8. Elle a du temps, elle a appris par cœur les cartes du trivial poursuite. Le budget vacances est amputé par ses achats compulsifs. Elle lave et relave l'exer à Picasso, la baignoire sent toujours le sif. La société Bruno a été rachetée par une grande firme allemande. Véronique va retravailler un jour, mais en attendant, elle glande tous les samedis. Après-midi, il milite à la LCR pendant qu'elle fait chauffer à blanc sa petite carte bancaire. C'est un balèze limite obèse qui n'a pas fait de thèse. Toujours à l'aise, tension à 16, mais pourvu qu'il se taise. Un couple banal, vaguement normal, pas vraiment très original. En juillet sur l'air d'autoroute, il paye avec la carte totale. Un peu distrait, un peu crevé, il referme le coffre sur Véronique. Bruno fonce avec la Picasso, direction les urgences, traumatique.